Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu. La coopérative de machinerie lourde 905 Boulevard Amel, Saint-Félicien 88-679-41-94. Exigène souhaite joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Exigène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Exigène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Toute l'équipe de Jean Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 88-679-4775. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour nos nombreux spéciaux et les nouveautés dans les voitures d'occasion. L'entreprise Usinage HB Numérique connaît une croissance intéressante, située au 210 rue Beauchamp à Dolbeau-Mistassini. Les propriétaires M. Hermel Bugeaud, Vincent Girard et Pierre Thériault viennent d'investir une somme importante de 300 000 $ pour l'achat d'équipements à la fine pointe de la technologie et qui permettra de satisfaire davantage sa clientèle. Toute notre équipe souhaite de joyeuses fêtes à la population et vous invite à la grande prudence. Ce sont les vœux de la direction d'Usinage Numérique HB au numéro de téléphone 418-239-0827. Vous avez besoin d'une bonne batterie pour la saison froide qui s'en vient? Eh bien, l'équipe de Batterie Expert saura bien vous conseiller. Nous avons des batteries pour tous les véhicules et pour tous les budgets. L'équipe de Batterie Expert désire également souhaiter de joyeuses fêtes à toute sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année. Batterie Expert, 757 Boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-979-70. Le temps de parler de la revue de l'année de la NBA avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny, comment ça va Danny? Ça va bien, ça va bien. Pascal, quelle année de basketball qu'on a eu. Moi, je suis vraiment content. Puis pour une fois, on en avait parlé, on en a parlé beaucoup au cours des 10 dernières années. Parce qu'on disait que le basketball on trouvait ça dommage que le basketball n'était pas populaire ou n'était pas couverture. Puis les Raptors de Toronto, ça a changé bien des affaires. La conquête. Ça a tout changé. On a sorti le basketball de la rue, de fond des tiroirs. Puis les médias se sont lancés sur ça. Ce qui était le fun, c'est que les gens qui sont pas nécessairement des fans de basketball sont embarqués et le sont devenus. Et c'est vraiment la frénésie des Raptors et avec un championnat NBA que regarde, ça fait quoi, 25 ans là, qu'ils sont dans la NBA, les Raptors. Tu sais, Danny, on a gagné un championnat dans n'importe quelle ligue. C'est pas facile. C'est pas facile. Là. Mais d'accord avec ça, tu as toujours les franchises où il y en a beaucoup, là, les Canadiens de Montréal, les Yankees, les Lakers, les Celtics de Boston là, dans différents sports, là, les Patriots au football. Mais que Toronto emmène un championnat NBA. C'est phénoménal, Danny. Puis, tu sais, faut dire merci à l'organisation, Masai Ujiri, d'avoir construit cette équipe-là. Ça s'est pas passé juste cette année, le fait d'avoir gagné. Là, c'est Dwayne Casey, DeMar DeRozan, qui a quand même mis cette équipe-là là, à un haut niveau. Là, mais de passer à travers la barrière et de battre les Warriors, c'est un petit peu la fin de la dynastie des Warriors hein, que Toronto a fait. Il faut pas oublier que ça s'est probablement décidé, Pascal, tu me corriges, sur le match contre Philadelphie, là, au septième match, là, c'est là que ça s'est décidé, sur un panier qu'on va revoir dans 10, 15, 20 ans souvent, le panier de Kawhi Leonard. Allô? Oui, es-tu là, Pascal? Oui, ce que je disais, Pascal, écoute, c'était contre Philadelphie, à un moment donné, ça s'est décidé sur un panier de Kawhi Leonard qu'on va revoir encore dans 10-15 ans. C'est un panier historique, ça, là. Ben oui, puis c'était un beau... c'est quasiment comme un film d'Hollywood. Ouais. Le ballon, il a pris quand même... On aurait dit que ça a pris une demi-heure avant qu'il tombe dans le panier, là. Ça donnait un point d'exclamation à cette saison-là, puis ça l'a permis à Toronto de se rendre en finale. Là, vraiment spectaculaire. Et contre les Warriors, qui était quand même éclopé, Kevin Durant qui n'était pas là, est-ce que les Raptors auraient gagné sans Kevin Durant? Auraient gagné si Kevin Durant aurait été là? On ne sait pas, mais il n'était pas là. Puis ça fait partie du sport, quelque part. Là. Je viens de le dire, Danny, ça fait partie du sport. Tu sais, les blessures dans une saison, la chimie des joueurs, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'organisations qui pourraient dire on n'a pas gagné cette année basé sur plusieurs situations qui fait qu'on n'était pas à 100%. On est d'accord, Danny, que les Warriors n'étaient pas à 100% puis plus ça l'avançait, mais à quelque part, ça fait partie de ta décision, comment tu gères tes joueurs vedettes, qu'est-ce que tu fais, tu veux dire. Puis du côté de Toronto, on a bien géré la blessure de Kawhi Leonard, même en ce moment, Kawhi Leonard ne joue pas tous les matchs. Non. La saison passée, Kawhi Leonard, une des choses qu'avait aimé des Raptors, c'est qu'ils ont dit, regarde, on va s'assurer que tu sois à 100%, tu joueras pas deux matchs en trois soirs, exemple. Ouais. Fait que Kawhi a été gardé, il a, sur 82 matchs, il en a seulement joué 60. Hein. Ouais. Mais dans les séries, il était prêt. Puis on a vu vers la fin là, que un ou deux matchs de plus, je pense qu'il n'aurait pas été capable de jouer. Là. Mais écoute, la blessure à Kevin Durant, c'est sûr que ça allait changer la donne au complet, mais regarde, pour moi, ça n'empêche à rien. C'est partie du sport et les champions NBA 2019 sont les Raptors. Ah ouais, c'était la résilience. On peut parler de la résilience du côté des Raptors. Absolument. Tu sais, c'est surtout ça qu'il faut regarder. Là. C'est incroyable ce qui s'est passé. Aussi, ben écoute, il faut parler aussi des Bucks et Milwaukee. Des Bucks, moi je pensais que ça allait être difficile, mais je pense que les Bucks ont appris, puis cette année, ça va être l'équipe à surveiller dans l'Est. Ben, les Bucks ont appris. Je pense que la situation à Milwaukee, à comparer à d'autres équipes, c'est que Giannis Antetokounmpo, qui a été nommé le joueur de l'année. Ouais. Et Danny, peux-tu me nommer le deuxième meilleur joueur de cette équipe-là? Le deuxième, mais ouf. Je vais t'aider. Il a fait le match d'étoiles, il s'appelle Chris Middleton. Okay. Mais Chris Middleton, là, c'est un bon deuxième, mais c'est pas un gros deuxième. C'est pas un joueur de qui va faire le Hall of Fame. Non. Quand tu prends une équipe comme ça, la stratégie de Coach Nurse, c'était vraiment de mettre de la pression sur Giannis, de l'empêcher d'aller au panier. C'était presque une zone défensive. Au niveau de stratégie, Coach Nurse a vraiment fait une bonne job. Tu sais quoi, Danny? Giannis, cette année, là, tire du 3 points à peu près 35%. Okay. Donc, il a vraiment passé l'été à travailler sur ça, puis s'est dit, OK, vous voulez m'empêcher quelque chose? Ben, je vais améliorer quelque chose d'autre. Je sais pas si tu viens, il y a quelques années, lorsque Miami avec LeBron se sont rendus en finale, ils ont perdu contre Dallas. Dallas ont testé LeBron en disant, prends des tirs de 3 points, mais on te laisse pas aller au panier. Et LeBron a appris de ça. Il a amélioré son tir de 3 points. Fait qu'en quelque part, la stratégie de Coach Nurse, en passant sa première année comme entraîneur-chef dans la NBA, je pense qu'il y en a 4 ou 5 dans l'histoire de la NBA qui ont gagné un championnat à leur première année comme entraîneur-chef. Il a vraiment fait un excellent travail. OK. Donc, les Raptors qui ont remporté la victoire en 6 matchs, les Bucks de Milwaukee étaient là. Maintenant, on va parler du côté des... du repêchage. Zion Williamson a été le premier choix. Ça n'a vraiment pas été de surprise. Par contre, au moment où on se reparle, il n'est même pas revenu, il est même pas arrivé encore. C'était supposé être quelques semaines. Puis là, on parle de janvier. Est-ce que, tu sais, Zion, est-ce que ça commence à être... Il y a des gens qui commencent à se poser des questions s'il est trop lourd pour jouer dans la NBA. Moi, je pense pas qu'il est trop lourd. Je pense que Zion et Danny, je vais te dire quelque chose. Moi, je le suis depuis... est un sophomore au secondaire. Ouais. Okay? Et je me souviens, entre l'été de son avant-dernière année au secondaire, il a été blessé à son genou. Fait que c'est pas nouveau les problèmes de genou à Zion. Okay. On sait que à 285 livres, nous, on assume que c'est trop pesant pour un athlète de 6-7. C'est sûr que... Je me souviens d'avoir vu les grosses années de Charles Barkley quand il jouait à l'Université d'Auburn. Danny, si tu as la chance de voir ça, va sur YouTube. Il pesait 300 livres. Il était 6 pieds 4. OK. Il était 6 pieds 4, Danny, puis il dunkait sur tout le monde. Là. Tu sais, quand je te parle, s'il y a une personne que moi je compare Zion, c'est Charles Barkley. Okay. Charles Barkley, en passant, est encore plus impressionnant que Zion. Parce que là, on parle de Zion, là, mais à 6 pieds 4 pouces, là, à 300 livres, là, sauter puis courir comme ça, c'était phénoménal. Ouais. Et lui, Charles Barkley a perdu du poids. Il a quand même descendu dans sa carrière NBA. Il jouait plus à 2,45-2,50. Okay? Pour ce qui est de Zion, je pense qu'il y a on parle de son ministre. Je pense que, mettons, là, il aurait à jouer demain matin, il pourrait jouer. Okay, je suis convaincu. Okay. Okay. Mais si l'équipe aurait mieux performé en son absence, il serait peut-être revenu plus tôt. Okay. Mais en ce moment, ça fonctionne pas bien du côté de Nouvelle-Orléans. On est, je pense qu'on est dernier ou avant-dernier. Fait qu'on n'est pas pressé. Moi, personnellement, je le ferais même pas jouer cette année. Ouais, OK. Ben, c'est sûr que... Je dirais, entraîne-toi, tout ça, diète, parce que au niveau physiologique, est-ce qu'il peut jouer à 285 livres? Je suis pas convaincu. C'est 82 matchs de la NBA, c'est l'avion, c'est le mouvement. Fait que ouais. C'est sûr que... Maintenant, est-ce que c'est un 2,85 de gras? Est-ce que c'est un 2,85 de muscle? Est-ce qu'il faut qu'il perde un peu de muscle, un peu de gras? Je le sais pas, Danny. C'est quand même un athlète phénoménal, Zion. Puis tu sais, je regarde ça, au moment où on se parle, ce que tu dis, là, les Pelicans ont 7 victoires, 22 défaites au moment où on enregistre le podcast. Donc, ils feront pas les séries. Fait que gagne ou perd, ça change rien. Là. Non, c'est ça. Fait que peut-être que... Ouais, si ça serait une place en série, là, si on viserait une place en série, là, ce serait autre chose. Là. Je pense qu'on va le ramener à la fin de la saison pour qu'il joue dans des matchs NBA, tu sais. Il a quand même démontré en pré-saison ce qu'il pouvait faire, Danny. Là. C'est impressionnant ce qu'il a fait en pré-saison. Ouais. Moi, j'ai aucun problème qu'il ait été pris numéro un. Je pense que ce joueur-là va avoir une belle carrière NBA, mais est-ce que sa santé et son poids vont affecter sa carrière NBA? Ça m'inquiète un petit peu. Okay. R.J. Barrett, 14,2 points. Il était au moment où on enregistre le podcast, il a été le troisième choix total. Est-ce que les Knicks, ça va nulle part? Est-ce que tu penses que c'est un bon début pour R.J. Barrett dans l'ensemble? Oui. Avec l'équipe qu'il y a, c'est pas si pire. Je pense que c'est un bon début pour R.J. Barrett. Je pense que lorsque tu quittes un programme comme Duke ou dans une saison, tu as perdu trois matchs, lui, il en a perdu trois dans une semaine. Je pense que c'est très difficile à prendre pour l'ego. C'est une organisation qui s'en va à nulle part en ce moment. Je pense que David Fizdale a été mis dehors, a été congédié. Mike Miller, on lui a donné une opportunité, mais c'est pas vraiment. C'est peut-être en remplaçant. Là, on a pris quelqu'un un peu comme Bush Trou. On était engagé comme consultant. Je sais pas si tu avais lu ça, Danny. David Blatt, l'ancien coach des Cavaliers de Cleveland, comme consultant. Je pense qu'on a du ménage à faire à New York. Au niveau du management, au niveau des gens impliqués dans le basketball, c'est dommage parce que c'est New York, c'est les Knicks. Mais je pense qu'il faut que tu changes une culture au complet. Okay? C'est incroyable. C'est sûr que le propriétaire, il s'en ira pas, là, mais il faut que le propriétaire, il s'éloigne puis il laisse les gens en basketball prendre des décisions. Mais je pense qu'il y a un ménage à faire au complet. Ça va se faire graduellement pendant l'année. Parce que c'est pas une mauvaise équipe en passant. Là. Des fois, je les regarde jouer, puis on voit des belles choses. Mais c'est comme je te dis, on a échangé Porzingis. Ça n'a aucun sens. Non. Ça n'a aucun sens. Mais on visait Carmelo Anthony. Pas Carmelo Anthony. On avait sur Paul Pierce. On avait également des visées sur. Puis ce qui a vraiment détruit les. C'est là qu'on a visé. Les deux vedettes NBA. Ils sont allés à Brooklyn. Ouais. Ouais. Ah non, c'est ça que... Mais tu sais, tu bases-tu un plan sur ça? C'est là qu'on voit le manque de vision quelque part. Là. Un manque de vision où on s'attendait... Danny, est-ce que... Pense-y, Danny, et toi, tu connais le sport, là. Si je te dis Kevin Garnett s'en va à Brooklyn à New York, tu m'aurais dit quoi? Kevin Garnett? Moi, j'aurais dit Enix. Je peux dire entre Brooklyn puis entre les Knicks. Tu m'aurais dit quoi? Ben, j'aurais choisi les Knicks. Exactement. Eux autres, là, ils se sont dit, on est les Knicks. Là. On va pas les prendre. Brooklyn, Kevin, voici le tapis rouge. On a tout l'argent au monde. Viens-t'en chez nous. Finalement, il s'en va à Brooklyn. Puis Kyrie Irving, il s'en va à Brooklyn. C'est comme, wow, on pensait pas à ça. Ouais. Et oui, on a peut-être mis tout le... Mais tu sais, à quelque part, il y a longtemps, ils pensaient avoir LeBron James. Finalement, ils ont signé Amar'e Stoudemire. Comprends-tu? Ouais. Ils n'ont pas eu LeBron James. Après ça, on a réussi à aller chercher Carmelo Anthony, mais ça n'a jamais fonctionné parce qu'on n'avait pas les bons entraîneurs. Mm. Ça ne marchait pas avec Mike D'Antoni, ça ne fonctionnait pas. Avec les entraîneurs qu'on a eus, ça n'a pas été facile avec Carmelo. Puis Phil Jackson, ben, je pense qu'il a juste volé de l'argent au Knicks, là, parce qu'il n'a rien fait de bon avec l'organisation. C'était pas le Phil Jackson, le champion entraîneur. C'était le Phil Jackson, directeur des opérations basketball ou président de l'équipe qui a rien fait de bon. Ouais. Dis-moi, donc, est arrivé par la suite le marché des joueurs autonomes et Kawhi Leonard, finalement, a décidé de s'en aller avec les Clippers. On dit que les Raptors ont été très, très près de l'avoir. Ce qui a fait pencher la balance, évidemment, c'est que Kawhi exigeait que Paul George l'accompagne. Et là, les Lakers ont fait une transaction avec c'est Oklahoma City, c'est ça? Pour l'avoir, puis finalement, les Raptors ont refusé parce qu'on demandait Pascal Siakam. Mais est-ce que Masai Ujiri se félicite aujourd'hui? Il est mort de rire, dans le fond. Là. C'est incroyable. Là. Moi, je pense que tu connais mon commentaire depuis le début. Je t'ai toujours dit que Kawhi ne retournerait pas à Toronto. Ouais. T'en souviens, Sébastien? Ouais. Maintenant, prêt ou pas prêt, moi, je pense que c'était Los Angeles. Je pense que si... Je vais te donner un exemple. Si Paul George serait resté à Oklahoma City, Kawhi serait avec les Lakers. Ouais. Quand que les Clippers ont réussi à aller chercher Paul George, Kawhi a signé avec les Clippers. C'est aussi simple que ça. Maintenant, Toronto, est-ce qu'ils ont exploré, échangé Pascal Siakam à Oklahoma City pour Paul George? Je ne sais pas. La rumeur dit que oui. Mais est-ce que Paul George aurait accepté d'aller à Toronto aussi? Ben avec Kawhi, peut-être. C'est un gars de la Californie aussi. Ouais, c'est ça. Toi, Danny, là, la qualité de vie par rapport à d'où ces joueurs-là viennent, c'est complètement différent. Puis l'appréciation. Ils peuvent se permettre. Moi, je pense que Pascal Siakam, ça va être un joueur vedette. Ce qu'il fait à Toronto cette saison, c'est phénoménal. Là, on a eu une petite période d'ajustement parce qu'on avait perdu... on avait des joueurs blessés, là, mais comme tu dis, on se parle en ce moment, on est en quatrième place, donc on vient de reprendre goût à la victoire. Là. Ça fait trois victoires de suite là, après avoir perdu trois en quatre matchs. Là. Donc on a presque l'équipe physiquement à 100% avec le retour de Kyle Lowry et de Serge Ibaka. Là. Maintenant, est-ce que Toronto est capable de se retrouver en finale cette année? Tu me l'as dit. Ça va être difficile. C'est possible. Moi, je pense Moi, je serais pas surpris de les voir en finale de l'Est. Peuvent gagner. C'est quand même... En ce moment, ce sont les champions jusqu'à temps que quelqu'un les bat. Ouais, effectivement. puis Coach Nurse... Moi, Danny, là, je vais te dire, je ne m'attendais pas à voir Kawhi Leonard retourner à Toronto et je ne serais pas surpris de voir Toronto retourner en finale. Ben, c'est sûr, ils ont appris à gagner sans Kawhi. Écoute, la fiche des Raptors l'an passé, sans Kawhi, c'était quand même très, très bon. Ouais, et rapidement, dans la NCAA, il y a eu la finale Texas Tech contre Virginia qui a été gagnée par Virginia 85-17. Ouais, ben, ça a été une belle finale encore. Tu te sens plus de spectateurs. Tu sais, March Madness, Danny, on sait comment c'est. Hein, ouais. Ou non, le basketball universitaire américain, moi, tu sais, je ne suis pas un fan à 100%, mais je suis un fan de March Madness. J'aime voir les joueurs, j'aime voir les opportunités d'une équipe battre une autre équipe. Donc, ça a été très intéressant. On a vu Duke tomber, donc ils ne se sont pas rendus en finale de la NCAA. Là. Mais Virginia ont connu une super saison. Puis ça a été vraiment spectaculaire. Encore une fois, le March Madness, c'est toujours un des événements les plus intéressants dans le monde du sport à chaque année. Et rapidement, les Raptors ont tenu le camp d'entraînement à Québec et ça a été la folie furieuse. Et à quelque part, ben, ça prouve que ça a fait des petits. Puis on le voit cette année, là, qu'il y a beaucoup plus d'intérêt. Ça a donné beaucoup de choses aux Raptors. Donc, on parle même à un moment donné, en 2020, que les Raptors reviendraient à Québec. Et on disait ça même que l'Université Laval négocierait pour avoir organisé un match hors concours au Centre Vidéotron. T'as-tu entendu parler de ça? Ben, je serais pas surpris. Puis je pense que le Centre Vidéotron, en ce moment, vu qu'on n'a pas de hockey, on a de la place pour faire des événements. Ouais. Donc, je serais pas surpris de voir un match de basket au Centre Vidéotron. Je serais pas surpris de voir les Raptors revenir, pas à Montréal, mais à Québec. Ça serait vraiment le fun. Mais pour le Canada, pour le basketball, nos joueurs canadiens, on a les champs, on n'a pas connu une super été avec l'équipe canadienne. Là. Mais je pense que je m'attends à voir, on a le pays qui a le plus de joueurs étrangers dans la NBA. Donc, américain, c'est le Canada. Des Jamal Murray, puis des Shea Gilchrist, Alexander. Là, écoute, on a des très bons joueurs, on a des jeunes joueurs. On a un Montréalais, Lugans Dort, qui a commencé, il a joué 3 ou 4 matchs avec les Thunder d'Oklahoma City. Écoute, c'est vraiment le fun. On a un autre jeune de Montréal, Quincy Guerrier, qui est à Syracuse. Qui a une opportunité. Comment il va, lui? On n'entend pas parler. Comment il va, lui? Up and down, là, des hauts et des bas, ouais. Justement, quand même. Là. Mais c'est vraiment le fun pour le basketball au Québec. Tu sais, Danny, les équipes du Québec, cet été, ont gagné les 4 médailles d'or. Garçons et filles, U15, U17. OK. Les concentrations basket, les sports études basket, ça grossit au Québec. La demande dans les écoles. Moi, mon école, là, j'ai une demande phénoménale. Là. C'était pas nécessairement des joueurs de basket, mais les gens étaient vraiment curieux de savoir c'est quoi les chances que leur enfant rentre dans un sport études basket. Puis moi, j'étais à Demortagne, à Boucherville. Puis on a triplé les demandes qu'on a d'habitude. Là. Fait que c'est vraiment le fun. C'est le fun de faire du basket en 2019, en 2020, puis ça va juste continuer à grandir. Puis les médias sont là maintenant. Ah ouais. Les médias ont aimé le sport, en parlent. Puis tu sais, quand on parle de médias, Danny, là, les codes d'écoute au niveau de division locale ont surpassé tous les records. À chaque match, on brisait des records au Québec. Ben, RDS, ça avait des codes d'écoute des Raptors de 400 000 le matin. 400 000, c'est pas loin d'un match du Canadien en... T'sais, c'est pas loin d'un match. Non, c'est phénoménal. Ouais. Pascal, tu permets, on va aller faire une pause et je vais te demander qu'est-ce que tu prévois en 2020. Chez Dolbo Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7 000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbo Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invite à la prudence pendant cette période. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini, 418-276-0580. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Altec vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbo Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbo Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Comment? À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou variétélcr.ca. On est de retour à LanRadioSport.com. Pascal, il y a une nouvelle qu'on n'a pas parlé. Au moment où on enregistre le podcast, on n'a pas d'autres nouvelles, mais semble-t-il que celui qui a mis la NBA au monde, qui a relancé la NBA, David Stern, serait sur le point, hémorragie cérébrale. La dernière nouvelle, il est encore d'un état critique. Ce serait dommage quand même. Moi, c'est pour moi, c'est probablement le meilleur commissaire. Adam Silver était son assistant. C'est un monsieur que c'est grâce à lui qu'on a eu les joueurs NBA à Barcelone en 92. Moi, je l'appelle, c'est lui qui a pris la NBA, qui est un sport américain, qui était regardé localement. Quand je dis localement, je parle des États-Unis. Là. Il l'a mis global, il l'a mis mondial. Il a ouvert les portes. Le marketing, tu sais, c'est sûr que j'associe David Stern avec Michael Jordan, avec c'est global là. Puis la NBA maintenant, puis le marketing, c'est un commissaire qui a vraiment mis l'emphase sur le marketing des joueurs, des athlètes. Tu sais, Danny, en ce moment là, si tu regardes les médias sociaux, les joueurs NBA surplantent tous les athlètes là, de presque tous les sports. Fait que c'est vraiment, mais David Stern, c'est vraiment l'instigateur de tout ça, comme tu as dit, là. Puis c'est quelqu'un d'important, puis on souhaite à lui et sa famille là, que tout se passe bien, mais comme tu as dit, là, c'est peut-être plus, on est plus vers la fin. OK. Mais Pascal, là-dedans, là, moi j'ai eu une discussion sur Facebook cette semaine avec des gens. Il y en a qui disent que c'est Michael Jordan, il y en a qui disent que la rivalité Lakers-Celtics, c'est ça qui a relancé. Moi je dis que c'est un tout, dans le fond. Là. Oui. Parce que rappelle-toi que David Stern, quand il est arrivé en 80, c'était même pas sur les. Il y a un match de la finale qui a été présenté en différé. Entre Philadelphie et les Lakers. La finale des Lakers avec Matt, la première année de Matt Johnson. Ouais. Ils ont mis ça le soir à 11h, tu sais. Fait que, tu sais quoi? Ouais. C'est facile de dire la rivalité Lakers, puis Celtics, Larry Bird, Magic Johnson, puis oui. Mais cette personne-là a su utiliser ça, puis le mettre global. Ça prend quand même quelqu'un. Qui a une vision. Qui a une vision. Et David Stern était la personne qui avait la vision que oui, Michael Jordan est Michael Jordan. Mais tu sais quoi? La plateforme, c'est lui qui l'a. Ça a été grandi. C'est assis avec le comité de basketball international à Cuba. Il a vraiment été. Pour moi, on parle de Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan et David Stern. C'est une personne dans les plus. Son influence et sa vision a fait que la NBA s'est rendue là. Tu prends Michael Jordan avec un commissaire qui n'a pas de vision, est-ce que ça va s'améliorer? Peut-être pas nécessairement. Un peu. Mais si Michael Jordan est devenu. Oh oui, c'est ça. C'est sûr que la tension est là, mais David Stern, pour moi, fait partie de. Ben, c'est, de ça. C'est quand même lui qui a incité pour qu'en 92, on envoie le Dream Team. C'est là que la NBA a explosé. C'est simple, parce que sa relation avec les joueurs sa relation avec les joueurs et sa relation avec les propriétaires était très importante. Et c'est vraiment ça qui a fait que la NBA a explosé au niveau mondial. Ouais. Pascal, là, les Raptors, comment tu vois ça en 2020? Est-ce que tu penses qu'ils vont être acheteurs ou vendeurs? Il y a des joueurs, Kyle Lowry signé contre une prolongation d'un an, mais quand même, quand il était absent, on a vu Van Vliet qui est clos. On a également, tout moins cher aussi, est-ce que Mark Gasol pourrait être un joueur qui pourrait être courtisé à date limite des échanges? Est-ce que tu vois que les Raptors pourraient y aller avec une semi-reconstruction? Je pense qu'on a parlé de Mark Gasol. Je pense qu'il fit très bien le système de l'entraîneur. Là. Si on veut se rendre en finale de l'Est, peut-être en NBA, je m'attends pas à voir beaucoup de changements du côté des Raptors au niveau. Okay. Ils peuvent être preneurs, mais on parle plus des joueurs du banc. Est-ce qu'on garde OG Adonobi? Mark Gasol, il n'y a pas grand monde qui sont intéressés à l'avoir. Tu comprends? Je pense qu'on va donner une. Je pense que du côté de Toronto, il y a un statu quo pour la saison. Et cet été, il y aura des changements, selon moi. Okay. Dépendamment comment ça. T'sais, si on perd en première ou deuxième ronde, là, cet été, on va peut-être faire des changements. Mais en ce moment, moi, je toucherais pas. Moi, personnellement, je ne toucherais pas vraiment de changement, là, à moins qu'il y ait un offre Bradley Beal pour qui. Là. C'est sûr que Siakam, c'est un intouchable, tu comprends-tu? Ouais. Mais si c'est Beal pour Kyle Lowry, Norm Powell, bon, ça pourrait marcher, là, parce que tu ajoutes un shooter comme ça, puis Van Fleet, qui est phénoménal. Exemple. Tu comprends-tu? Fait que c'est soit une vedette comme ça pour deux ou trois joueurs, mais je pense pas qu'on touche à Siakam, à OG, à Van Fleet, là, parce que toutes les équipes dans la NBA veulent Fred Van Fleet en passant. Ah, okay. Pascal, il me reste bien qu'à te remercier de ta collaboration encore pour une 11e année consecutive. C'est pas mal le fun. On va se reparler. Puis surtout, c'était une année très plaisante en 2019. Évidemment, l'éclosion de la NBA, ça fut extraordinaire. On en a parlé souvent. Merci beaucoup. Joyeuse fête et beaucoup de santé et de bonheur à ta famille et à toi. Puis on se reparle en 2020. Bien, merci beaucoup, Danny. À toi aussi, santé. Et puis à tous les gens qui nous écoutent, qui t'écoutent, joyeuse fête à tout le monde et bonne année. Puis on se reparle en 2020. Oui, effectivement. Donc, c'était notre ami Pascal Jobin qui nous faisait la rétrospective de la NBA.